Bonsoir, bonsoir. C'est Prog à part, une émission du rock progressif qui persiste et signe, une émission spéciale John Wetton comme annoncé sur les réseaux sociaux. Oui, vous le savez tous et toutes que John Wetton nous a quittés donc mardi dernier à l'âge de 67 ans. Ça a été vraiment un moment très triste pour beaucoup de progueuses, c'était mon cas. Un musicien brillant, chanteur, bassiste qui a traversé tout le progressif que l'on connaît, que l'on aime, qui a démarré, qui a joué dans successivement Mogul Thrash, Family. Ensuite, bien sûr, King Crimson, et après, on va évoquer tout au long de cette émission son long et riche parcours, qui a également collaboré à Roxy Music, Uriah Heep, qui a joué effectivement aussi avec Brian Ferry, c'est logique, puisqu'il était avec, il a joué dans Roxy Music, il a joué également avec son pote Phil Manzarena, un homme d'une très grande richesse et, on m'a-t-on dit, également humaine. Tout de suite, on a pu entendre extrait d'Asia, Heat of the Moment, qui a, à l'époque, a été un carton. Ça a vraiment, vraiment bien marché. Puis qui, mystérieusement, a ensuite été oublié des grandes radios. J'avoue ne pas comprendre, puisque d'autres morceaux, par exemple de Yes, On Have an Only Heart, continuent à tourner. Heat of the Moment, c'est pas le cas. Qu'importe, on va se faire plaisir ce soir puisqu'on l'écoutera deux fois avec une autre version, mais chut, c'est une petite surprise. Donc, sortie du premier album d'Asia, sortie publiée en 82, un morceau qu'il a coécrit avec Geoff Downes. Il y avait Geoff Downes qui était au clavier, Steve Howe à la guitare, Carl Palmer, extrait de Emerson, Lake et Palmer et John Wetton. Mais revenons un petit peu en arrière. Quand est-ce que le bonhomme a commencé à faire parler de lui par son talent ? Et bien, c'est tout simplement au sein de King Crimson. Et je vous passe un extrait de Lark's Tongues in Aspic, considéré à juste titre comme un des chefs-d'œuvre du groupe britannique. Tout de suite, Exiles. frigates depicted in their prime. The golden light, all grimy now. 300 years have passed. The worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well, the husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchantmen. Official moments of the guild and poses keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. We suffered here, our country wrapped with Spanish wars. Now comes the chance to find ourselves. Quiet reigns behind our doors. Think about posterity again. Request you all to understand. Thank you. got two hoodoos damp the feet in the heat for your physique as you twinkle by a moccasin sneaker. But the bastard wouldn't budge, 'cause they called me naked fudge, and they never told me once you were a minor. Strutting out at every race, throw a glass around the place, show the color of your crimson suspenders. You could take the money home, sit around the family throne, buy old dog and chew it bone. For 2 weeks we could appease the almighty. résumé des chapitres précédents. King Crimson Lark's Tongue in Aspic, Lark's Tongues au pluriel, in Aspic de 73 avec le morceau Exiles. Ensuite, King Crimson Starless and Bible Black 74 avec The Night Watch, où John Wetton a co-signé ce morceau d'ailleurs, qui est une allusion à un tableau de Rembrandt. Hein, donc, et on a continué avec le morceau que j'ai passé le plus souvent sur Prog à Part. Il s'agit de Starless, vous l'avez tous reconnu, sur l'album Red de 74 également. Et donc, John Wetton est co-signataire. On a terminé sa période King Crimson avec USA, 74 encore, avec une version fabuleuse de Easy Money. Vous avez vu le solo de Robert Fripp vers la fin, qui est absolument à tomber par terre. Et également Easy Money, co-signé par notre bonhomme. Notre bonhomme quitte King Crimson pour fonder en 78 UK avec Alan Holdsworth à la guitare, Bill Bruford, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas Christian, batteur de King Crimson, de Yes entre autres, et Eddie Jobson qui avait joué dans King Crimson pour des concerts et qui avait joué également avec Roxy Music. J'oublie de mentionner les faits et gestes d'Alan Holdsworth, il était avant donc dans Soft Machine et Gong. Donc 78, premier album, et c'est la bombe, In the Dead of Night, tout de suite en intégralité sur Prog à Part. God's moving grace, guide a thunder. Kinetic sunrise, fever and flood. Fire and water, element and earth. Rise, melt. Thank you. UK, premier album intitulé UK, Royaume-Uni hein, pour les Français. 78, un album qui est applaudi par la critique, mais le public suit moins. Pourquoi? On est en pleine période disco et punk, et donc nos pauvres UK ont du mal à faire leur place. Du coup, il s'ensuit un certain nombre de départs au sein de la formation. La formation se retrouve réduite à un trio. John Wetton toujours présent, Eddie Jobson toujours présent au clavier et au violon, et un petit jeune, Terry Bozzio, qui a joué, excusez du peu, avec Frank Zappa. Et sort donc en 79 l'album superbe Danger Money. The light. Fabuleux Danger Money, où John Wetton montre tout son talent, talent de chanteur, de bassiste, mais également de compositeur, puisqu'il coécrit tous les titres, et même les certaines paroles. C'est lui notamment qui avait bossé sur Starless. Après cet album, malheureusement, le groupe explose. À notre plus grand regret, j'ai quand même un petit dessert, une petite cerise sur le gâteau, un concert assez rare, sorti sur un label assez rare aussi, suivez mon regard. Le concert s'intitule Concert Classics, ça date de 99. C'est en fait un concert de UK de 78 enregistré à Boston. Et donc on y retrouve Jobson, Wetton, Holdsworth et Bruford. Donc c'est la première formation. Et donc naturellement un extrait du premier album, 30 Years. Thank you. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. Vous l'aurez rectifié vous-même, c'était bien Carrying No Cross et non pas 30 Years que vous venez d'entendre. Une version préparatoire, je dirais, une première version par la première formation du UK avant la version studio que vous avez pu entendre de 79 avec la deuxième formation en trio, ce qui montre effectivement l'évolution du morceau et avec une séquence improvisation qui est ma foi fort sympathique. Le père Wetton a continué après. Il a joué avec moult formations. Je citais notamment Roxy Music, je citais notamment Brian Ferry, c'est presque logique. Ensuite, avec Phil Manzarena. Et puis, il a démarré une carrière solo avec une foultitude d'albums. J'en ai retenu deux. Un premier qui s'intitule Battle Lines qui date de 94 et avec quand même du beau monde puisqu'il y a Steve Lukather, il y a Robert Fripp. Donc je vous propose le titre éponyme tout de suite. Now I stand forsaking pride. The time has come to turn the tide. I've drawn the line, I built my wall, and I won't let one more dream fall. Takes me higher, the hand that offers peace, the heart that still gives shelter. Where's the voice that speaks of mercy? The eyes that are not blind, the love that's never ending. Désolé pour ce petit problème technique indépendant de ma volonté. Battle Lines, donc 94. 2003, John Wetton montre, s'il en était besoin, que ce n'est pas un homme du passé, puisqu'il sort le splendide Rock of Faith. Rock of Faith avec la crème du néo-prog british. J'en veux pour preuve, John Mitchell d'Arena, Clive Nolan de Pendragon et Arena, Martin Offord d'IQ et Steve Christie de Jadis. Et il invite son bon vieux compère, Geoff Downes, pour ce superbe Rock of Faith. Thank you. superbe Rock of Faith. Entre-temps, le bonhomme s'était risqué dans un autre groupe, super groupe, éphémère malheureusement. Je veux parler de Kango. Kango, ça s'écrit Q-A-N-G-O. Un groupe éphémère qui n'a existé qu'une bonne année, dans l'an 2000, qui était en fait un mélange d'Asia et d'Emerson Lake Palmer. J'en veux pour preuve la composition, nous avons Carl Palmer, John Young, Dave Kilmister et bien sûr notre bonhomme. Ils n'ont produit qu'un album public, Live in the Hood, donc vous l'avez compris, en 2000. Et je vous propose de terminer comme on a commencé avec Heat of the Moment. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. I look from you and I would fall from grace. And I would wipe the smile right from my face. You remember when we used to dance? And it turned into road from circumstance. One thing led to another. Together songs unsung, but it was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, it showed in your eyes. And now you find yourself in 82, cause this car has told no time for you. The heat of the moment, heat of the moment, the heat of the moment, it showed in your eyes. I Voilà, c'est la fin de cet hommage à John Wetton. Un seul mot, merci John, merci. Difficile de faire la transition et d'ailleurs je n'ai prévu qu'une seule nouveauté pour cette émission. Le premier album de mes amis The Morrigans, il fallait quand même. Et donc ils nous ont fait l'honneur, le prestige, l'avantage de jouer donc au Ninkasi pour présenter The Three Circles of Death. Et donc je suis reparti avec tout fier, tout heureux avec leur premier opus. Et donc voici un extrait de cet album, leur premier opus des Morrigans. Tout de suite, le morceau éponyme, celui qui a donné le titre à l'album. Winds of les trois cercles de la mort, Three Circles of Death, par les Morrigans, groupe du péage de Roussillon. Oui, oui, oui, ce sont eux qui sont derrière le péage du rock, notamment. Eh bien, Morrigans, ça s'écrit M-O-2-R-I-G-H-A-N-S. Eh bien, ils viennent de terminer donc cette émission de février. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois, pile poil, c'est tout simple. Ce sera le 6 mars, de 20h30 à 22h30, avec une valise remplie de nouveautés. D'ici là, bah, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur le site d'Acid Dragon, A-C-I-D-D-R-A-G-O-N, Acid Dragon avec 2D quoi, point EU, l'extension comme Europe, et vous cherchez Prog à part, et vous pouvez écouter cette émission et même des anciennes, donc il y a de quoi se régaler, du moins je l'espère, ça a été mon cas. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans un mois, et d'ici là, tenez tati, ciao ciao. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche avec le soutien moral et logistique de Roland Rock.